Tu vas manger un soir sur deux chez tes parents, et c'est moi l'enfant roi. Tu vas manger un soir sur deux chez tes parents, et c'est moi l'enfant roi. Tu ne sauras jamais ce que c'est que la vraie solitude. Personne qui compte sur toi, ne pas voir ta famille pendant un mois, n'avoir pas de copine quand tu rentres à la maison, n'avoir pas de collègues de travail puisque tu n'as pas de travail, n'avoir qu'un chat comme compagnie et puis vouloir te suicider et faire des nuits blanches sous speed à écouter du punk rock avec personne quand tu te réveilles le lendemain à 14h. Toi, tu vas dîner un soir sur deux chez tes parents et c'est moi l'enfant roi. Tu vas dîner un soir sur deux chez tes parents et c'est moi l'enfant roi. Tu vas dîner un soir sur deux chez tes parents et c'est moi l'enfant roi. Tu ne sauras jamais ce que c'est que de se faire quitter comme une merde dans une grande ville inconnue, de prendre trop de drogue et de se prostituer ensuite et de devoir dormir dans la rue, d'aller dans les bars et se faire agresser par des inconnus qui disent Tony Fomblard, facho, violeur. Ces gens, tu ne les connais pas, tu ne les connaîtras jamais, tu ne peux même plus sortir de chez toi. Et puis toi, et puis toi, et puis toi, et puis toi, tu vas dîner un soir sur deux chez tes parents, et c'est moi l'enfant roi. Tu vas dîner un soir sur deux chez tes parents, et c'est moi l'enfant roi. Tu vas dîner un soir sur deux chez tes parents, et c'est moi l'enfant roi. Tu ne sauras jamais ce que c'est que d'être peut-être papa, mais de ne pas pouvoir voir sa fille qui va naître dans 4 mois, de savoir que la mère couche avec d'autres gens, et quand tu vas la voir à Strasbourg, tu dors dans la chambre à côté pendant qu'elle se tape le mec chez qui tu dors, et cette fille porte ton enfant, et cette fille porte ton enfant, et cette fille porte ton enfant. Non, toi, tu vas dîner un soir sur deux chez tes parents, et c'est moi l'enfant roi. Tu vas dîner un soir sur deux chez tes parents, et c'est moi l'enfant roi. N'avoir plus que le monastère pour ne pas se suicider, avec ton couteau dans la main pour te suicider. Partir au monastère tout seul.